Chapitre 21e, le baiser indiscret. Harry Clavering avait appris la mort de son petit cousin avant de se rendre dans Bolton Street pour rendre compte de sa négociation avec le comte. Il passa le soir du même jour chez Lady Ongar. Elle avait aussi reçu la lettre de Mrs. Clavering et connaissait l'événement. Harry, avant d'entrer, avait demandé si Madame Gordeloup était dans la maison. Dans ce cas, il se serait retiré sans voir la comtesse. Au moment où il entrait, il était naturellement préoccupé des nouvelles de Clavering. Le comte Pateroff avait perdu de son importance depuis l'autre événement, qui devint naturellement le premier sujet de conversation entre Lady Ongar et lui. « Je plains vivement, ma sœur, » lui dit-elle aussi vivement que s'il ne s'était rien passé entre nous, « mais lui, je ne veux pas le plaindre. »« Moi, je le plains, » dit Harry. « Il est votre cousin, et peut-être n'a-t-il été votre ami. »« Non, pas précisément. Nous n'avons jamais beaucoup frayé ensemble, mais je le plains sincèrement. » Il n'est pas mon cousin, mais je le connais mieux que vous, Harry. Il ne sera pas très affligé lui-même, et ce qu'il regrettera, ce sera son héritier et non son fils. C'est un homme dont le bonheur ne dépend pas de la vie ou de la mort de qui que ce soit. Il a du goût pour certaines personnes, comme il en avait autrefois pour moi. Mais je ne pense pas qu'il ait jamais eu de l'affection pour personne. Il se consolera bien vite, et se prendra à souhaiter la mort d'Hermione, pour pouvoir épouser une autre femme. Je le connais si bien. « C'est Archie qui va se marier maintenant, » dit Harry. « Oui, s'il trouve une femme qui veuille l'épouser. » Il y a peu d'hommes qui ne trouvent pas de femme, mais Archie est de ceux-là. Il n'a pas assez de modestie pour demander à une jeune fille qui serait heureuse de l'épouser. Maintenant, avec ses chances nouvelles, il lui faudra une princesse, ou peu s'en faut. L'argent, le rang et la noblesse lui auraient suffi auparavant. Mais à présent, il voudra l'esprit, la beauté, aussi bien que le reste. Il peut bien se marier après tout, car il est capable de conduire un beau jour à l'hôtel d'une cuisinière pour en faire sa femme. Peut-être trouvera-t-il quelque chose entre une cuisinière et une princesse. Je souhaite pour vous qu'il ne trouve pas. Je lui permets de se marier demain, Lady Ongar. Si cela ne tenait qu'à moi, Hughes aurait bientôt sa maison pleine d'enfants. Sans doute, vous tenez ce langage parce qu'il est de circonstance. Je ne souffrirai pas que vous parliez ainsi, Lady Ongar. Je dis ce que je pense, et nul ne le sait mieux que vous. « Vraiment, Harry. Eh bien, soit. Je vous rendrai justice, et je croirai que vous êtes assez simple pour former de pareils vœux. Le château en l'air que vous bâtissez n'est pas de ceux qui viennent par héritage. Il faut le gagner à la pointe de l'épée. Ou à force de travail. C'est cela, et aucun lord n'a jamais trôné dans son castel avec plus d'orgueil que vous, dans les châteaux que bâtit votre imagination. Vous n'en sortez que pour faire toutes sortes de glorieux exploits. Vous volez au secours des damoiselles en péril, comme moi, par exemple, ou bien vous attaquez d'énormes dragons. Peut-être Sophie est-elle le dernier de ces monstres que vous avez attaqués. Puis vous abattez des forêts. Ce seront là vos exploits d'ingénieur. Et enfin, vous devenez amoureux. Quand arrivera ce dénouement, Harry? Je suppose que d'après tous les précédents, je m'éprendrai de la belle damoiselle en péril, dit-il imprudemment. Non, Harry, non. Vous porterez votre cœur jeune et généreux à meilleure enseigne. Cela n'empêchera pas la belle damoiselle de se rappeler ce qui autrefois aurait pu arriver. Il sentit qu'il était sur le bord d'un précipice, qu'il voltigeait comme un papillon autour de la flamme. Il comprit que c'était maintenant le moment de lui raconter toute son histoire de Stratton. Et au sujet de Florence Burton, s'il pouvait se résoudre à parler, toute angoisse aurait cessé et le danger serait passé. Au lieu de cela, il se mit à songer à la beauté de Lady Ongar, à ses premières amours, au sort qu'il en eut, s'il n'était jamais allé à Stratton. Il pensa même, non pas à sa fortune, mais à l'influence et au rang dont il aurait pu disposer, s'il avait été possible maintenant de lui demander sa main. Il avait dit vrai en affirmant qu'il ne désirait pas l'héritage de son cousin. Il ne convoitait pas la fortune des autres. Archie pouvait prendre autant de femmes qu'Henri VIII, ou avoir autant d'enfants que Priam. Cela ne lui causerait aucun regret. Son ambition ne se portait pas là, mais cette femme, qui était là devant lui, qui lui aurait si volontiers abandonné toute sa fortune, avait été aimée par lui avant qu'il connût Florence Burton. Pendant tout le temps qu'il avait courtisé Florence, il n'avait jamais, croyait-il, mais à tort, oublié que Julie Brabazon avait été son premier amour, la femme qu'il avait aimée de tout son cœur. Les choses avaient pris pour lui une tournure déplorable et sans exemple. Telles étaient les réflexions qu'il occupait au moment où il aurait dû faire connaître sa situation. Lady Ongar, du reste, l'éloigna elle-même du bord du précipice. « Et à propos du dragon, dit-elle, ou plutôt de son frère, qu'est-ce que vous avez à m'en dire? L'avez-vous combattu ou avez-vous battu en retraite? J'ai combattu, dit-il. Mais le dragon prétend qu'il ne se regardera pas comme mort. En d'autres termes, il assure qu'il viendra chez vous. Qu'il viendra chez moi. » Et en disant ces mots, la colère empourpra ses deux joues. Entend-il par là me menacer? Il ne vous envoie pas de menace, mais au fond, il l'entend un peu ainsi. Eh bien, Harry, il verra que je ne veux pas le recevoir. Et s'il entrait chez moi par la force, je saurais punir un pareil outrage. S'il vous a chargé de quelque message, dites-le-moi. Pour vous dire la vérité, il éprouvait une grande répugnance à me parler, bien qu'il essayât d'être poli à mon égard. Après s'être longtemps dérobé à moi, il m'a invité à dîner, mais avec deux autres personnes. Il y avait un autre étranger. Le colonel Schmoff, peut-être? Oui, c'est ce nom-là. Il le gardait auprès de lui pour m'empêcher de lui parler. Je le reconnais bien là. Tout ce qu'il fait toujours dans un but quelconque, suppose une arrière-pensée. Et puis ensuite, je réussis à l'emmener dans une autre pièce, et là, il se fâcha très fort contre moi et parla du traitement qu'il réservait aux hommes qui l'offensaient. Vous n'aurez pas d'affaire avec lui, Harry. Promettez-moi qu'il n'y aura rien de la sorte, pas de duel. Oh non, nous nous réconciliâmes bientôt après. Mais il m'a chargé de vous dire qu'il a une confidence importante à vous faire, qui ne me regarde pas et qui rend nécessaire une entrevue. Je n'en crois rien, Harry. Il a ajouté qu'il a été une fois très obligeant pour vous. Oui, obligeant une fois et insolent une autre. J'ai pardonné l'offense à cause du service. Il m'a dit ensuite que vous l'aviez mal récompensé de sa courtoisie en lui fermant votre porte, mais qu'il ne doutait pas que vous ne changiez d'attitude à son égard quand je vous aurais fait sa commission. Il se propose donc de repasser. C'est là tout ce qu'il m'a dit. Vous dirai-je, Harry, quelle était son intention? En disant ces mots, sa figure s'empourpra de nouveau, mais c'était plutôt de pudeur que de colère. Quelle était son intention? De vous faire croire que je suis en son pouvoir, de vous persuader qu'il a été mon amant, de me déconsidérer à vos yeux, et de vous faire croire ce que les autres ont cru, ce que Hughes Clavering a fait semblant de croire. Voilà quelle était son intention, et vous pouvez peut-être me dire s'il a réussi. Lady Ongar, vous connaissez le vieux proverbe, l'eau qui tombe goutte à goutte finit par creuser la pierre. Et après tout, pourquoi votre confiance en moi serait-elle inébranlable? Croyez-vous donc que ces paroles n'aient produit quelque effet? Il est bien difficile de connaître le cœur d'un homme. Je connais le cœur de Paterov, du moins ce qu'il appelle son cœur, mais je ne connais pas le vôtre. Harry resta un moment ou deux sans rien répondre, et quand il rompit le silence, ce fut pour parler du comte. Si ce que vous supposez est vrai, ce doit être une âme diabolique. Ce ne peut pas être un homme. Homme ou démon, qu'importe. Lequel des deux est le pire, Harry? Et où est la différence? Les fausses de nos jours n'ont pas besoin de Méphistophélès pour leur apprendre le mal et leur endurcir le cœur. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de ces hommes. Il peut y en avoir un. Un, dites-vous. Qu'était donc Lord Ongar? Que sont votre cousin Hughes et le comte Paterov? N'ont-ils pas tous la même nature? Ne sont-ils pas tous durs comme la pierre? Ne songeant qu'à satisfaire leurs passions, dépourvus de tout sentiment généreux, incapables de se préoccuper de qui que ce soit? Le comte est peut-être le meilleur des trois. Avec lui, une femme aurait moins à craindre qu'avec les deux autres. Ce peut être un démon, comme vous le dites, mais tout ce que je veux savoir, c'est s'il a réussi à vous donner mauvaise opinion de moi. Non, il n'y a pas réussi. Oh, bien. Peu m'importe ce qu'il a fait ou ce qu'il peut faire. Vous ne voudriez pas que je le reçusse, dites-moi. Elle lui adressa cette question avec vivacité, en appuyant ses deux coudes sur la table et sa tête sur ses deux mains, attitude qu'elle avait souvent prise devant lui et qui lui allait bien. Vous ne voulez pas sans doute vous régler sur mon opinion, dit-il. Sur quelle opinion me réglerai-je alors? Si, Harry, puisque vous me le demandez, je suivrai votre avis. Si vous me dites de le recevoir, je le ferai, bien que je l'avoue, cela a dû m'être fort pénible. Pourquoi le recevoir si vous n'y tenez pas? Je ne sais pas. À vrai dire, il n'y a pas de raison. Ce qu'il dit au sujet de Lord Ongar n'est qu'un prétexte. Vous voyez où il va en venir. Quel est donc son but? M'effrayer, pour que je consente à l'épouser. Ma chère amie Sophie, qui n'a pas tout à fait réussi à s'arranger avec son frère, à qui elle a demandé un fort appoint pour le prix de son concours, m'a souvent donné à entendre qu'il se propose de me faire cet insigne honneur. Le comte espère peut-être réussir à conclure tout seul cette affaire. Et Sophie semble croire qu'elle tire à meilleure partie de moi, si je reste veuve, que si je viens me remarier. Ils sont tous les deux pleins d'affection et de tendresse pour moi, n'est-ce pas ? À ce moment, on apporta le thé, et Harry resta quelque temps silencieux avec sa tasse à la main. Elle avait repris la position qu'elle avait avant l'entrée de la domestique, et le regardait fixement pendant qu'il prenait son thé. « Je ne puis pas comprendre, dit-il enfin, pourquoi vous continuez vos rapports avec une telle femme ?»« Vous n'y avez pas songé, Harry, sinon vous le comprendriez. C'est, je crois, facile à expliquer. » Vous la savez perfide, fausse, vulgaire, cupide, sans principe. Vous ne pouvez pas l'aimer. Vous dites que c'est un dragon. Un dragon pour vous. Voilà ce que j'ai dit. Elle n'a rien des manières d'une lady, et pourtant vous subissez sa société. C'est vrai. Maintenant, dites-moi ce que je devrais faire. Vous devriez rompre avec elle. Mais comment? C'est facile à dire. Dois-je lui fermer ma porte quand elle ne m'a pas offensé? Dois-je oublier qu'elle m'a rendu un grand service quand j'en avais le plus besoin? Puis-je lui dire en face qu'elle est tout ce que vous dites et que je ne veux plus la voir? Croyez-vous que dans ce monde, on ne voit que les gens qu'on aime et qu'on estime? Je ne voudrais pas avoir pour ami intime une personne que je n'estime pas. Mais Harry, supposez que vous n'ayez personne pour vous estimer et vous aimer, que vous n'ayez pas Clavrine, un père qui vous admire, une mère qui vous idolâtre, des sœurs qui vous regardent comme parfaits, des compagnons de travail qui vous estiment. Supposez que vous n'ayez aucune foi en vous-même, aucune espérance, et surtout aucun moyen de choisir vos amis. Parmi ceux que vous estimez, que vous aimez, qu'il vous fallut prendre Sophie Gordeloup, où vous passez tout à fait d'amis, que feriez-vous alors? Il aurait fallu avoir un cœur de pierre pour n'être pas ému. Harry se leva, et se rapprochant, se pencha sur elle. « Mais Julie, telle n'est pas votre position. »« Si, vous dis-je, telle est ma position, voilà la vérité. » Puis, suis-je meilleur qu'elle pour éviter sa compagnie? Comme femme, vous êtes aux deux pôles opposés. Mais comme dragon, dit-elle en souriant, nous nous ressemblons fort. Prétendez-vous qu'il n'y a personne qui vous aime? Oh Harry, c'est là ce que je crois. Il n'y a personne qui m'aime. Dans la partie que j'ai jouée, j'ai gagné un rang et de l'argent. Mais j'ai perdu 10 fois leur valeur, en affection, en amitié et en estime. La seule chose qui unisse entre eux les membres de la société. J'ai un équipage et des chevaux. Et je sors avec de grands laquais poudrés, mais les gens qui me voient passer murmurent tout bas. C'est là, Lady Ongar, que personne ne veut voir. Je le vois dans leur regard, et je m'imagine entendre leurs paroles. Mais tout cela est faux. Comment faux? N'est-il pas vrai que j'ai mérité mon sort? J'ai mérité par ma conduite de devenir la compagne de Sophie Gordeloup, bien que je n'ai pas commis la faute dont peut-être on me croit coupable. Il se tut un instant, se tenant debout auprès d'elle, et dit enfin, Lady Ongar. Non, pas de Lady Ongar quand nous sommes ensemble. Montrez-moi que j'ai au moins un ami qui ose m'appeler par mon nom et par qui j'ai du plaisir à l'entendre prononcer. Ne craignez pas que j'attribue à cela une trop grande portée. Pour moi, elle n'aura plus le sens que j'y trouvais autrefois. Il ne savait en vérité comment continuer la conversation. Florence Burton était présente à son esprit et à chaque instant, il se disait qu'il ne voulait pas être un parjure. Mais en ce moment, il aurait donné tout au monde pour n'être jamais allé à Stratton. Il s'assit à côté d'elle en silence, détournant les yeux d'elle pour regarder le feu, se répétant qu'il ne voulait pas violer la foi jurée, mais en même temps souhaitant presque de pouvoir sacrifier son honneur à l'amour. Enfin, se tournant vers elle, il lui prit la main dans la sienne. En même temps, il posa la main gauche sur ses cheveux. Elle le laissa faire. « Julie, lui dit-il, puis-je faire quelque chose pour vous consoler ?» Elle ne répondit pas, mais détournant les yeux, regarda de l'autre côté de la table. « Julie, reprit-il, y a-t-il quelque chose qui puisse vous consoler ?» Mais elle ne répondit pas encore. Il la comprit néanmoins. Il savait à quoi s'en tenir. Il sentait en ce moment qu'il avait presque autant de tort envers elle qu'envers Florence. La question qu'il venait de faire ne pouvait recevoir qu'une seule réponse, mais heureusement pour lui, cette réponse était presque impossible de la part de Julie. Pouvait-elle dire « Oui, vous pouvez me consoler ?» Dites-moi que vous m'aimez, et je serai consolé. » Il n'avait cependant pas voulu la mettre dans cette alternative. Il n'avait aucune intention de se montrer cruel à son égard. S'il la torturait ainsi, ce n'était pas méchanceté, mais faiblesse de sa part. Il tenait sa main depuis 2 minutes, elle ne répondait pas encore. Alors il souleva légèrement cette main et la pressa sur ses lèvres. « Non, Harry, » dit-elle en se levant et retirant vivement sa main, « cela ne saurait être. « Je préfère être pour vous Lady Ongar, si l'autre nom ne sert qu'à vous rappeler le souvenir des jours passés. Je serai de nouveau Lady Ongar, cela vaudra mieux. » Puis elle se leva, traversa la pièce, il la suivit. « Êtes-vous fâché ? » lui demanda-t-il. « Non, je ne le suis pas. Comment pourrais-je me fâcher contre vous, le seul qui me restait de mes anciens amis ?»« Mais Harry, il faut songer à ma position et me montrer des égards dans mes embarras. Que voulez-vous dire, Julie ? Il faut vous montrer bon et plein d'attention à mon égard. Vous conduire envers moi comme un frère. Mais le monde saura que vous n'êtes pas mon frère. Il faut vous rappeler cela dans mon intérêt. Il ne faut pas me quitter ni me délaisser. Cela me serait plus dur que tout ce qu'on pourrait dire. » « Ai-je eu tort de baiser votre main ?»« Tort, oui, certainement. Vous avez été non pas coupable, mais indiscret. Je l'ai fait parce que je vous aime. » Et en disant ces mots, ses deux yeux s'emplirent de larmes. « Oui, vous m'aimez, et moi aussi je vous aime. Mais cet amour ne saurait se traduire ainsi. C'est là notre vieil amour que j'ai repoussé et qui est évanoui. Non, je ne suis pas fâché. Mais voulez-vous vous rappeler que cet amour n'est plus ? Le voulez-vous, Harry ?» Il s'assit sur un fauteuil dans un coin de la pièce, et de grosses larmes coulèrent le long de ses joues. Elle était debout et le regardait pleurer. « Je n'ai pas voulu vous attrister, Harry, » lui dit-elle. « Je vous comprends. Notre vieil amour n'est plus, mais nous n'en serons pas moins bons amis. » Alors il se leva soudain, et la prenant dans ses bras, la pressant tendrement contre son corps, il déposa un baiser passionné sur ses lèvres. Tout cela s'était fait si promptement qu'elle n'aurait pu l'en empêcher si elle l'eût voulu, mais elle se débattit dans ses bras et éloignait de lui son visage en lui résistant avec douceur. « Non, Harry, ne faites pas cela, » dit-elle, « cela ne saurait être. Si, Julie, cela sera, et à jamais. Toujours je vous aimerai. » Il la tenait encore dans ses bras quand la porte s'ouvrit, et d'un pas furtif, léger comme celui d'une chatte, entra Sophie Gourdeloup. Harry se détacha aussitôt de Julie, et Lady Ongar, se retournant, dirigea sur son ami des regards pleins de colère. « Ah !» dit la petite Polonaise, dont l'eau du visage trahissait un plaisir infini. « Ah, mes chers enfants, n'est-ce pas que j'ai bien fait de m'annoncer ainsi ?»« Non, » dit Lady Ongar, « vous n'avez pas bien fait, pas du tout. »« Et pourquoi donc, Julie ?»« Allons, ne vous fâchez pas. Monsieur Clavering est votre cousin, et un très joli cousin, ma foi. Qu'est-ce que cela signifie devant moi ?»« Absolument rien, » dit Lady Ongar. « Mais devant les domestiques, Julie ?» Devant qui que ce soit, cela ne signifierait rien du tout. Allons, Julie, vous plaisantez. Je vous dirai, moi, que j'entends être seule chez moi, quand cela me fait plaisir. Pouvez-vous me dire, Madame Gourdeloup, ce que vous désirez en ce moment ? Je viens vous demander pardon et vous expliquer ma conduite. Votre laquais est dehors, et c'est Bessie qui m'a ouvert la porte. Je lui ai dit que je monterais seule, et c'est tout. Si je suis venue trop tard, je vous demanderai pardon. Non, pas trop tard, certainement. Je voulais aussi vous parler de l'exposition de tableaux. Vous m'avez dit que vous iriez demain. » Clavering s'était trouvé quelque peu embarrassé pendant que Madame Gourdeloup lui expliquait les raisons pour lesquelles elle était venue aussi soudainement sans se faire annoncer. Aussitôt qu'il en vit la possibilité, il prit congé. « Julie, dit-il, puisque Madame Gourdeloup est maintenant avec vous, je vais me retirer. Mais vous reviendrez bientôt ?»« Oui, bientôt, dès que je serai de retour de Clavering. « Je pars demain de grand matin. »« Adieu donc. » Et elle lui tendit la main avec un doux sourire. Quand il sentit cette main le presser avec tendresse, il sut à peine s'il devait la repousser ou lui rendre cette marque d'amitié. Mais il s'était trop avancé pour reculer, et il retint longtemps cette main dans la sienne. Elle lui sourit de nouveau, d'un sourire expressif, et lui fit un signe de tête. Il lui semblait qu'il n'avait jamais vu une femme aussi aimable. Ce signe de tête voulait dire « Nous nous comprenons, n'est-ce pas ?» Oui, sans doute, en dépit de cette odieuse femme qui est venue nous déranger, nous nous comprenons. Et combien j'en suis heureuse. Tous les chagrins que je vous ai racontés, vous me les avez fait oublier. Tout cela était compris dans son adieu, et Harry n'eut pas le courage de la contredire. À bientôt, monsieur Clavering, dit Sophie. Bonsoir, madame Gourdeloup, dit Harry en la regardant d'un œil plein de colère. Il s'éloigna, laissant ces deux femmes ensemble, et retourna chez lui, avec de tout autres sentiments que ceux d'un amant heureux.